Exercice 13, page 137. Ce jour où je vous ai vu, où nous vous avons vu, sur l'avenue Habib Bourguiba, criez votre colère. Pour moi, c'était aussi comme si mon pays bien-aimé et jamais oublié, me criait « Reviens, Lucia !»